Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Décision de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est les palmarès, c'est fou. Bonjour et bienvenue au Palmarès, c'est fou pour la période du 9 au 22 juillet 2014. C'est l'édition Franco, je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Oula, Stéphanie Paradis! Oh mon Dieu, je suis là! C'est la première fois de l'été qu'on t'entend. Mais oui, Colin! Hey, je m'ennuyais de m'entendre. Ah oui, c'est ça. T'aimes tellement ta propre voix. Mais oui, dans la rediffusion, je trouvais que tu te parlais tout seul puis tu faisais pitié. Je te répondais dans ma voiture, ouais. Mais je te trouvais bête. On n'a pas encore la technologie pour t'envoyer directement de ta voiture aux ondes FM. Peut-être un jour. Surtout quand c'est les rediffusions. Surtout, oui, c'est ça. Donc, aujourd'hui, on parlera assez fou. Stéphanie, je sais que le format estival n'est pas nécessairement très, très... t'es pas au courant. Non, moi, je vais suivre la vague. Tu sais, vague de plage. Oui, quelque chose d'estival. Le soleil, et il fait pas du tout une température frigorifique et il mouille pendant qu'on est en direct jeudi après-midi, nous. Ouais, on verra plus tard. C'est ça. Donc, dans l'émission d'aujourd'hui, on va entendre les positions francophones. Donc, c'est le palmarès franco, toute l'émission pendant une heure condensée. On va savoir d'ici la fin de notre émission si le numéro 1 francophone est toujours... Mange l'ours mange avec une nuit blanche. Je ne sais pas. On va aussi entendre d'autres affaires parmi le palmarès, mais on va débuter avec les nouvelles entrées. Plus tard, il y aura Octoplot, mais que je vais nommer... Je vais dire Octoplute, pour être moins vulgaire. Ah ouais, OK. Moins vulgaire, excuse-moi. Excuse-moi, non, c'était vulgaire, finalement. C'est vu le premier coup. On va aussi entendre Fanny Bloom, mais avant ça, en 20e place. Oh, c'est « T'aurais pas dû nous prendre à deux ». Ah, ouais, OK. Ah. T'aurais pas pu nous prendre à deux. T'aurais pas pu nous prendre à ouais, deux. Ouais, c'est Philippe Braque. Ben, t'as bien raison. Hein. C'est ce qu'ils disent, hein, des palmarès, c'est fou. T'aurais pas pu nous prendre à deux. Fait que c'est pour ça qu'on faisait l'émission tout seul. Ah, ben oui. C'est à cause de Philippe Braque. C'est ça. On va le blâmer. Comme, on va le chasser un peu comme un braconnier chasserait des animaux. Ouais. Si j'avais été seul, ça aurait été encore plus malaisant. Puis j'aurais plus parlé encore sur le début de la chanson. Ça aurait été vraiment. Et moi, dans mon auto, je t'aurais dit, hein, ferme ta gueule. Toutes les oies qui ont creusé nos yeux. Toutes les disputes qui ont croisé nos fêtes. Toutes les prières qui ont trouvé nos voeux. Ne pourront plus jamais servir de souvenir. Et je ne peux désormais plus craindre le pire. Et je ne peux désormais plus craindre le pire. Si aujourd'hui je ne pleure que d'un seul œil, c'est que tu m'as enlevé mes aveux. Et si je parle d'une petite voix frêle, j'attends qu'elle s'éteigne au milieu d'un feu. Et d'un coup de vent, oh oui Dieu, tu m'as ouvert les yeux. Et t'aurais pas pu nous prendre à deux. J'aurais pas pu nous prendre à deux. 60 années de confiance, c'était pas assez pour que tu me donnes une chance. As-tu m'enlevé mon ciel? le volant qui tremble et je sens que ça s'en vient. Enfin ensemble, nous ne serons plus rien. 19. Nouvelle entrée. We'll be right back. boy, c'est violent, ça! Octoplute, ou Octoplot, c'est comme ça vous dit, avec Noir Foncé, 18e place, nouvelle entrée en francophone. Avant ça, en 19e, on a entendu Fanny Bloom, mais la nouvelle entrée Piscine, que moi j'ai bien aimé, c'est un single simple. Oui, j'ai bien aimé ça. Très et en 20e place, c'était T'aurais pas pu nous prendre à deux, de Philippe Braque. Oh, hey, j'ai de voir la référence peut-être sexuelle à ça. T'aurais pas pu nous prendre à deux. C'est comme un genre de ménage à trois. Là. Mais je pensais que c'était clair. Ah, ben tu vois, j'ai pas la tête qui va là partout. Là. Jamais côté sexuel dès le départ. Non. On a accueilli trois nouvelles entrées du côté francophone. La semaine prochaine, je vous avertis tout de suite qu'on va accueillir deux nouvelles entrées du côté anglophone. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a 5 pièces qui s'en vont. Ça veut dire qu'on parle ma rest in peace. Yeah. Just mountains of change. Voici les pièces qui ont quitté les palmarès fous depuis la précédente édition. J'ai l'impression que c'est la fin de quelque chose. Mais surtout pour le début d'une autre. Il est midi, le monde est tranquille. Je vais aller me coucher. Avec le temps, je ne vais plus pleurer. On oublie les passions et l'on oublie les voix. Ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid. Avec le temps va, tout s'en va. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre. Des pièces qui ont quitté les palmarès fous depuis l'édition du 26 mai au 8 juin 2014. On a donc dit au revoir à Le Matin des Raisons, et non pas Martin des Raisons, le Martin de Philippe Braque, mais il est déjà de retour sur le palmarès. Mm-hmm. Ensuite, Edgar Barry et Brel Ferré, ça c'est ne me quitte pas, qui a duré 6 semaines. Mais il a quitté. Ouais. Ironie. Ensuite, on a dit au revoir à Catherine Leduc et les vieux hiboux. On pourra plus faire de gags de vieux hiboux. Les vieux, ils bouent dans leur eau bouillante au parc d'Expo. Ça. Hein, ça. Ensuite, Kaiser Chiefs et l'excellente The Factory Gates. Et finalement, Broken Bells avec Medicine, qui est resté seulement 5 semaines. Ouais, mais on dit 5 semaines et l'été, c'est un petit peu flou parce que les palmarès durent 2 semaines chaque. Donc, quand on dit une semaine et qu'on parle de l'été, c'est dans le fond, il faudrait quasiment doubler. C'est comme l'âge de chien, c'est ça? Si on veut. C'est un peu chien, mais l'âge de chien. Alors voilà, pour aller Palmarès in Peace, on fait ça chaque semaine dans les palmarès. C'est fou. La semaine prochaine, on va accueillir des nouvelles entrées anglophones et on va réécouter ce petit montage. C'est la semaine prochaine au palmarès, c'est fou. On retourne où on était rendu. Par contre, on saute par-dessus un paquet de choses qui sont plutôt vieilles. Donc, on va sauter par-dessus les positions 17 à 11. En 17e place, c'est Crocro, 5 semaines de Doug Wave. En 16e, c'est 50 Shades of Beige de Radio Radio. Ensuite, en 15e, Ma Grande Gueule, le Manticus qui est là depuis 7 semaines. En 14e, La Fatigue de On a créé un monstre. En 13e, Fancy Ghetto d'Alexandre Désilet. En 12e, Tunnel de Clopelgag. Et finalement, en 11e place, pour une 6e semaine, Philippe B avec Ornithologie 1. Hey, il y a Philippe B, là. Ouais. C'est-tu Philippe Braque qui a décidé de faire un autre album en même temps, mais tu sais. Tu sais, comme Stephen King, là. Ouais. Il a fait des romans sous un autre nom, Richard Bachman, okay. que je crois. Bachman. En tout cas, pour voir si les gens aimaient vraiment ses romans ou son le nom. Ben, son premier roman sous le nom de Richard Bachman, je crois que c'est Bachman, mais je sais que c'est Richard. Ouais. Ben, a eu une mauvaise critique. Non. Ah, puis quand ils ont su que c'était Stephen King, oh ben là, tabarouette! C'était un dieu! C'était bon, finalement! Quel petit coquin! Ah ben, je suis sûr qu'il a fait pareil. Ça se peut bien, ça. En plus, Braque, c'est comme Bachman. Ouais. Ben, hein? Ben ouais, c'est peut-être Stephen King, finalement, qui a fait deux albums. Oh, la théorie du complot! Donc, on va aller aux positions 10, 9 et 8. Plus tard, il y aura Caravane et Canaille. Mais avant ça, en 10e place francophone. On commence avec la pièce centre de Nicolet. Nicolette ou Nicolet? Je sais pas. C'est-tu la ville? Je sais pas, mais on dirait que ça me fait penser à une camisole parce que tu sais, il y a Nicolet ni manche. Nicole. Et moi, bon? Je pensais que c'était une petite Nicole. Ah. Nicolet. Les deux ont du sens. C'est comme une barbouillette, là. Oui, c'est ça, une petite débarbouille. Comment on dit, là? Oui, oui, oui. Une toilette, c'est une petite toile. Une petite toile. Sur laquelle tu dessines avec de la marde. Bon. J'aurais arrêté. Là. Avant que ça sorte. Oh, pitié. Aïe. crachant confetti. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. 8. On est jeune, on est con. Et notre monde est cruel. Caravane et Minuit. Position numéro 8, francophone, ça monte de la 15e place. En 9e place, c'était Marathon de Canailles qui montait de la 17e. Et au début du bloc, Nicolas et Centre, nouvelle entrée de la semaine passée qui monte de 9 places en 10e francophone sur l'album Le 4e. J'imagine que ça doit être leur 4e album. Ah, c'est encore drôle. Ouais, c'est ça, pas sûr. Maintenant, tiens, le temps file. On va bientôt arriver à notre top 3 dans une dizaine de minutes, mais avant ça, on a encore le temps pour un autre petit bloc. On va voir ce qui rentre là-dedans. Donc plus tard, il y aura Jacques Mort, mais avant ça, en 7e place. Et c'est Clément Jacques, c'est pas loin, dans nos cœurs. Mais quoi, Jacques Mort, Clément Jacques? Ah! Ah ouais, OK. Ben ouais. Des Jacques. C'est le bloc à Jacques. Le Jack Block. Ou du Jackpot. Ah, c'est bon, c'est bon. Ah. Oh. Non, c'est pas bon. Je suis un imposteur, je me reconnais plus. Il fait froid dedans, moi ça sent bien long, tout le temps. J'ai ruiné à peu près tout ce qui m'entoure. J'ai perdu le fil de mon parcours. Ma vie, mes chums, ma job, le plus rien vrai là-dedans. La bête a trop perdu du sang. Le mien reste froid. On traque, on l'amène à sa perte. La chasse est ouverte. Déprimant, ça. Pandaléon et Toune de chasse, une chanson de mort. Ça monte de 15 places en 5e francophone. En 6e, c'était Pas hippie de Jacques Maure. Uh-huh. Et on a début du, au début du bloc, oui, on a entendu Clément Jacques qui est dans nos cœurs, qui monte de une place. Voilà pour le reste du palmarès. On va sauter directement au top 3, ce qui veut dire qu'on saute par-dessus la 4e place francophone. Et on saute par-dessus Forcé ou quitté de Fontarabie qui est Colin. Non, je m'excuse, avant que tu finisses ta phrase, c'est la 4e qu'on saute, mais parce que ça serait déprimant d'entendre ça, t'sais. Tes paroles étaient déprimantes, fait que je voulais pas faire durer la souffrance. Parce qu'on va l'entendre dans ce numéro 1. Ouais, tu m'as mêlé, là, okay. Tu sais, tantôt, Pandaléon, on sautait, puis je faisais un X, là. Okay. Tu m'as mêlé dans mes codes de couleurs. C'est normal, c'est longtemps que t'es pas venu, là. Ah ouais. Longtemps qu'elle n'est pas venue. OK, non. Donc, on saute par-dessus Ariel et l'art de la dose en 4e place. On va entendre la position, entre autres, numéro 2, tantôt, Carla Récudon. On vous dit pas c'est quoi le numéro 1, mais on va commencer. Mais non, moi, depuis le début que... Ouais. Que je fais juste spoiler tout ce qui se passe. De... Puis dans Game of Thrones, il y a... Non, okay. L'épisode 2 de la 2. Saison 4. Okay. Non, non. Ah, bah. Non, non, c'est même trop chien. Donc, pour ce numéro 3, tu l'as dit tantôt, Fontarabie, l'ancien numéro 1, voici Forcé ou quitté. On écoute ça au palmarès, c'est fou. Au 89 FM. Je suis parti comme le vent, sur la vie, sans savoir.

2023 francophone pour la période du 9 au 22 juin 2014. On a entendu au début du bloc en troisième place Fontarabie est forcé au quitter qui est lancé numéro 1. En deuxième, ça montait de la 14e place notre propre roulette russe de Carl-Éric Hudon. Et on vient de terminer avec la position numéro 1 qui monte de 2, c'est Mange, Ours, Mange et Nuit Blanche, 6e semaine de présence sur l'album Loin de l'œil. Voilà, pour les palmarès, c'est fou. On se retrouve jeudi prochain entre 14h et 15h. Restez avec nous parce que dans quelques instants, c'est assemblage requis à 15h pour les auditeurs du jeudi. Sinon, pour ceux qui écoutent le samedi, on joue inversement proportionnel avec assemblage requis à midi et le palmarès, c'est fou à 15h. Après nous, c'est les précieuses ridicules à 16h. Et finalement, le lundi, entre 14h et 17h, c'est assemblage requis. À 17h, les palmarès, c'est fou. À 18h, c'est Raconte-moi ta ville avec Chantal Carignan et David Ferrand. Savais-tu que c'était mon édition des palmarès c'est fou la plus courte que j'ai faite? C'est la seule version d'une heure que t'as fait jusqu'à maintenant. Ouais, ça a passé très vite. C'est vraiment, là, c'est instantanément. Oups! J'ai cligné les yeux. Cligné les yeux. Ni vu ni connu. Voilà, donc, à la prochaine, Steph. Bye, Mathieu! On se quitte avec Dogwave et Crocro en 17e place franco. À la prochaine!